Bonsoir à tous, merci d'avoir choisi la Radio Sangano. Bienvenue à cette édition de la soirée à langue française dont voici les principaux titres. Commémoration sur lundi du 25e anniversaire de l'assassinat du héros de la démocratie, Ndadaye Melchior. Dans cette édition, vous aurez les réactions des uns des autres et les habitants de la province de Kirundo qui disent garder de mauvais souvenirs des crimes qui ont suivi. Et célébration également sur lundi de la journée mondiale du bégaiement, un trouble qui peut guérir selon un psychologue Eric Batungwanayo. Et des organisations de la société civile déjà présentes à Arusha, en Tanzanie, à la veille du 5e cycle du dialogue inter-burundais, disent avoir remis ce lundi à la facilitation un document sur leur doléance et solution à la crise qui traverse le Burundi, en plus de l'agenda fixé par la facilitation. Voilà pour le sommaire. François Akimana assure la mise en onde. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Je vous le disais dans les titres, commémoration sur lundi du 25e anniversaire de l'assassinat du héros de la démocratie. Président Ndadaye Melchior a été tué le 21 octobre 1993 et des cérémonies se sont déroulées dans tout le pays et ont débuté par une messe à sa mémoire. Ces cérémonies ont été fixées pour ce lundi suite à la coïncidence de cette date à une journée dominicale, a expliqué un communiqué du ministère de la fonction publique. Et le régime démocratique qui est prôné feu, président Melchior Ndadaye a connu des avancées malgré quelques-uns qui ont raté. C'est dit mon avis de Pierre Claver Nahimana, président du parti Sawanya Frodebou Solendi. Du côté du parti Iprona, son président Abel Gashati demande que s'il y a des ipronistes qui ont participé dans la planification de cet assassinat qui soit traduit en justice et jugé conformément à la loi. Evariste Nzikobanyanga pour plus de détails. La commémoration du 25e anniversaire de l'assassinat de Melchior Ndadaye a débuté par la messe de requiem en la cathédrale Regina Mundi. Dans son homélie, le vicaire général de l'archidiocèse catholique de Bujumbura, Monseigneur Anatole Werinyange, est revenu sur le point fort de feu Ndadaye. Le président Ndadaye a mis en pratique son projet de chercher le royaume de Dieu de sa façon. Il cherchait à aider les pauvres à travers son projet de construire un Burundi nouveau, un pays sans division ni discrimination de toutes sortes, un pays plein de justice, un pays prospère, un pays de paix. Dans son projet, les prisons ne seraient plus nécessaires, mais plutôt transformées en écoles. L'histoire douloureuse du Burundi devrait se refermer pour faire face à une nouvelle ère pleine de merveilles. Il ne voulait pas être égoïste. Il voulait plutôt étendre le développement intégral à tous les Burundais, même si son projet n'a pas pu se réaliser, étant bloqué par ses assassins. « 25 ans après la mort de Ndadaye, certains se demandent l'état des lieux de la démocratie, l'œuvre de cette illustre personnalité. Le président du parti Frodebou, Pierre Claver Nahimana, trouve que la démocratie a suivi son parcours, mais que des choses restent à faire pour sa consolidation. « Ce qu'il a enseigné, c'est bien arrivé au Burundi. » Maintenant, la question qui se pose, est-ce qu'on le fait bien? Est-ce que les élections se sont bien organisées? Est-ce que la dignité de la personne humaine, est-ce que c'est bien respecté? Est-ce que la population peut dire ce qu'elle veut sans problème? Ça, c'est une autre question. Mais je pense que même s'il y a quelques ratés, quelques difficultés, c'est un processus en cours qui a été engagé par son Excellence Ndadaye Melchior et je pense qu'il va se poursuivre jusqu'à ce que le peuple burundais puisse arriver à une étape, il se dit ouf. 25 ans viennent d'expirer sans toutefois connaître les auteurs de l'assassinat de ce président élu au suffrage universel. Certaines opinions ayant cité quelques noms des dignitaires de l'Uprona d'avoir participé dans la planification de l'assassinat de ce héros de la démocratie. Le président actuel de l'Uprona, Abel Gashati, indique que si tel est le cas, que ses commanditaires soient arrêtés et jugés. La direction actuelle du parti Uprona soutient que ces gens-là qui, une fois identifiés comme promoteurs, comme auteur de l'assassinat du président Ndadaye, il faut qu'il soit traduit en justice. Les cérémonies marquant le 25e anniversaire de l'assassinat du héros de la démocratie ont été rehaussées par le président de la République, Pierre Nkurunziza. Merci Evariste. Et certains habitants de la province de Kirundo conseillent à tout un chacun d'en découdre avec l'esprit de division sur base ethnique qui conduit à des crimes interminables. Ceux qui se sont exprimés au micro-trottoir de la Radio Sanganiro disent garder de mauvais souvenirs des crimes qui ont endeuillé le pays depuis l'assassinat du président Dadaye. Ceux qui ont pris le chemin de l'exil affirment avoir vécu une vie misérable. Après l'assassinat de Melchior Ndadaye en 1993, nous avons pris le chemin de l'exil vers le Rwanda. Les autres se sont dirigés vers la Tanzanie, les autres dans d'autres pays. J'avais deux enfants, on passait des nuits dans les forêts. Et après, nous avons pris le chemin de l'exil vers le Rwanda. Dans les camps, on menait une vie misérable. On dormait à même les pierres en attendant la distribution des tentes. Nos enfants attrapaient certaines épidémies, comme la dysenterie. Certains y ont laissé la vie. Cet assassinat nous a très touchés. Je me suis réfugié vers le Rwanda. À cette époque, les relations entre le Burundi et le Rwanda étaient encore bonnes. Depuis la nuit de son assassinat, les tueries ont suivi. La situation était très dure. Celui qui aurait encore cet esprit criminel devrait se ressaisir. Ce qui s'est passé là était à cause des divisions ethniques, qu'on s'unisse tous pour devenir les Burundais unis. Les divisions ethniques n'ont aucun avantage. Nous qui avons vécu ces situations, devrions tourner la page pour vivre en harmonie. C'était certains habitants de la province de Kirundo et la vice-présidente de l'association des veuves Orphelins pour la défense de leurs droits à Vaud demandent à la commission Vérité et Réconciliation sévère de chercher la vérité sur l'assassinat du président Melchior Ndadaye afin d'éclairer la justice sur ce dossier. Jacqueline Kalibouami salue néanmoins l'initiative du président Pierre Nkurunziza et de son gouvernement d'élever Melchior Ndadaye au rang du héros de la démocratie et demande que cette action de reconnaissance soit étendue à d'autres hautes personnalités qui ont été tuées à cette époque pour que leurs familles puissent en bénéficier. Je prie de suivre Jacqueline Kalibouami, vice-président de la VOD. Je dirais que je suis ravie et de voir comment son excellence, le président Pierre Nkurunziza et son gouvernement, comment ils ont élevé Melchior Ndadaye au rang de héros. Il a été le premier chef d'État à avoir reconnu les œuvres faites par nos illustres disparus. Il a été le premier chef de l'État à avoir donné l'honneur qu'il faut à nos leaders qui sont morts pour une cause noble, inhérente à leur fonction. Sur ce, je souhaiterais que cette action de reconnaissance soit étendue à d'autres hautes personnalités afin que leurs familles respectives aussi bénéficient de cette reconnaissance. Ça serait un grand honneur vraiment et je suis sûre le président est déjà à l'œuvre. Je suis confiante que cette action qu'il a déjà entreprise va continuer. Depuis des années et des années, il n'y a pas eu de justice. Quand la justice ne fait pas son travail, c'est vraiment une grande lacune. Je demanderai donc à la justice de saisir le dossier de l'assassinat du président. Le président a été assassiné par n'importe qui. Il a été assassiné par ceux-là même qui étaient chargés de le protéger. Je vais lier ça avec la vérité. La sévère. J'interpelle la sévère pour continuer à rechercher cette vérité. Cette vérité qui va nous rendre libres. C'était Jacqueline Karibgami, vice-présidente de l'association Avod, une association de veuves et orphelins pour la défense de leurs droits. Toujours sur ce dossier, des enquêtes devraient être menées pour éclairer l'opinion sur une probablement étrangère dans l'assassinat du président Ndadaye. Selon l'analyste politique Père Désiré Yamoulemier, la mesure de taxation des minerais transitant par le sort burundais prise par le président Ndadaye aurait été mal accueillie par certains hommes d'affaires étranger. Père Désiré Yamoulemier demande que des auteurs de cet assassinat soient traduits en justice. Il a été joint au téléphone par Charles Makote. Je pense que sur ce point-là, il faut utiliser la relation de cause à effet. Un président élu démocratiquement avec l'avenir de la démocratie telle que la France l'avait voulu dans la conférence de la Bolle, on ne voit pas comment il peut être tué, traîné dans la rue pendant une journée, alors que les puissants occidentales qui sont chargés de protéger cette même démocratie sont là. Les ambassades au Burundi sont restées ouvertes. Et n'oubliez pas qu'il y a certains pays qui avaient des militaires, qui entraînaient les militaires burundais. Il ne faut pas me dire que durant tout ce temps-là, ils ont manqué un tact de négociation, un tact de dialogue avec les putschistes pour leur dire qu'on ne fait pas ça. Donc, cela démontre qu'il y a une main invisible de la part de l'étranger. Et à cela, il faut ajouter la question de ce qu'on a communément appelé la question de la zone franche. Ça veut dire la transaction minérale et des minéraux du Congo et d'autres qu'on extrayait au Burundi sans loi et sans payer la taxe. Cela, on ne peut pas le nier que ça fait partie. Les entrées au niveau du gouvernement ont triplé. Les entrées ont triplé parce qu'on a commencé à taxer, à faire payer la taxe à ceux qui faisaient des transactions minérales. Et ceux qui faisaient des transactions minérales, c'était évidemment des étrangers. Donc, et ces étrangers ont travaillé avec les anciens du pouvoir que Ndadaye venait de remplacer. Cela veut dire qu'on peut poser une hypothèse que cette main étrangère est aussi derrière la motivation de la mort de Ndadaye. Et à cela, il faut ajouter la volonté de déstabiliser la région des Grands Lacs pour l'exploitation minérale du Congo. C'est à ce moment que Habyarimana meurt aussi après la mort de Ndadaye. La région devient déstabilisée et c'est dans la période de déstabilisation que l'exploitation du sol devient plus facile pour les entreprises occidentales qui sont au service des États occidentaux parce que ce sont elles, ces entreprises, qui paient les impôts aux États occidentaux. Vous n'avez pas Isanganiro, vous ratez l'essentiel. Et dans la suite de ce journal, parlons de la politique et des sociétés, des organisations de la société civile burundaise réunies à Arusha en Tanzanie ont transmis ce lundi un document sur les doléances et solutions à la crise burundaise. Gabriel Rufiri, président de l'OLUCOM, qui a pris part à ce rendez-vous, fait savoir que des problèmes liés à la pauvreté, au chômage et à la gouvernance sont les quelques-uns des défis auxquels font face le Burundi et qui nécessitent une discussion. Connaît cependant que des élections sont importantes et appelle les Burundais à répondre à la session du 24 au 29 de ce mois. Je vous prie de le suivre. Nous venons effectivement de transmettre un document aux facilitateurs. C'est la facilitation conjointe EAC, Union africaine et Nations unies. Tout ce qui se trouve dans ce document concerne d'abord les vraies préoccupations des citoyens burundais, mais pas les vraies préoccupations des individus qui sont des politiciens. Les politiciens font partie des citoyens des 12 millions de la population. C'est la raison pour laquelle nous, on ne peut pas en aucun cas se focaliser sur des points qui concernent les individus, mais plutôt des points qui concernent les citoyens, les vraies préoccupations des citoyens qui sont notamment pauvreté, taux de chômage, les questions de gouvernance, les questions de démocratie, les questions de liberté, les questions sociales, éducation, santé, les questions d'isolement, toutes ces questions qui concernent les citoyens, nous venons de les traiter et transmettre et toutes les recommandations et des solutions possibles, donc à toutes les parties concernées, y compris même la société civile. C'était Gabriel Rufiri, président de l'OLUCOM et de la politique à la coopération. Une délégation chinoise composée de 16 personnes, conduite par le vice-président du comité national de la conférence consultative du peuple chinois, considéré comme le Sénat de ce pays, est en visite de 3 jours au Burundi depuis ce lundi. Selon Anissé Niyongabo, deuxième vice-président du Sénat burundais, cette visite s'inscrit dans le cadre de se rendre compte des œuvres réalisées au Burundi à travers l'aide chinoise et le renforcement de la coopération entre les deux institutions. Je prie de suivre Anissé Niyongabo. Nous avons une délégation que nous avons accueillie du Comité national de la conférence consultative politique du peuple chinois. C'est une institution qui est comparable au Sénat du Burundi. C'est en retour une visite sur invitation du Sénat du Burundi. Ce matin, nous avons conduit la délégation à l'hôpital général de Mbanda. Vous savez que l'hôpital a été construit par le Burundi grâce à un appui financier de la République populaire de Chine. Vous avez même vu qu'à l'hôpital général de Mbanda, il y a des médecins et des techniciens chinois qui œuvrent main dans la main avec des médecins et des techniciens burundais. Après l'hôpital général de Mbanda, nous avons visité ensemble avec la délégation le centre de formation professionnelle de Kigobe, qui aussi a été construit par le gouvernement du Burundi grâce à un apport financier de la République populaire de Chine. On a vu qu'il y a différentes section des métiers et nous avons trouvé les apprenants et leurs enseignants qui étaient à l'œuvre. Cet après-midi, la délégation de la conférence consultative politique du peuple chinois a visité le Sénat du Burundi. Elle a visité les différents services du Sénat et s'est rendu compte des infrastructures que l'on a au Sénat. Elle a eu également un entretien avec le bureau du Sénat sous la conduite de son Excellence le Président du Sénat. Pendant l'entretien, nous avons parlé des questions de coopération entre le Sénat du Burundi et la Conférence consultative politique du peuple chinois. D'abord, nous avons parlé d'un échange d'expériences qui peut être organisé entre le Sénat du Burundi et la Conférence consultative politique du peuple chinois. Nous avons également parlé de la coopération en matière de renforcement des capacités. Nous avons également parlé de la coopération sous forme d'aide, parce que la Conférence consultative politique du peuple chinois est plus outillée que le Sénat du Burundi et elle a promis de pouvoir accorder certaines aides au Sénat du Burundi pour améliorer le travail et le fonctionnement du Sénat. Et la discrimination au travail et la sous-estimation sociale figurent parmi les défis auxquels font face les bègues. C'est ce qui a été indiqué par Seleu Seba Kuzurusaku, président de l'association Vaincre pour vaincre le bégaiement au Burundi, à l'occasion de la célébration de la journée mondiale dédiée au bégaiement, célébrée le 22 octobre de chaque année. Il demande au gouvernement burundais de mettre en place l'arsenal juridique qui protège ces bègues. Je prie de le suivre. Dans l'environnement où nous sommes, la personne qui bégue est une personne capable, mais qui a le problème de la trouble du langage. Ce trouble du langage que le bégue parle avec eux, quand la personne bégue est en train de parler, l'entourage commence à crier et le bégue continue à bégayer davantage puisqu'il ne connaissait pas le problème qu'il a. Car un enseignant a un élève qui bégue dans la classe, le plus souvent il ne le demande pas de répondre aux questions, puisqu'il pense que cet enfant peut traîner. Quand vous allez chercher du travail, le plus souvent on demande le concours interview et le bec ne s'exprime mais pas comme l'employeur veut. Et c'est le critère d'élimination de ce bec. C'était Seleu Seba Kuzurusaku, président de l'association Vaincre le bégaiement au Burundi. Et le bégaiement est causé par des problèmes respiratoires depuis la naissance de l'enfant. Cela est dit par Eric Batungwanayo, psychologue ayant fait des recherches sur le bégaiement. Cet expert en psychologie fait savoir que ce trouble peut guérir et conseille au bec de vaincre la peur. Il a dit à l'occasion de la célébration ce 22 octobre de chaque année de la journée dédiée au bégaiement. En bégue, lorsqu'on est avec une hypersensibilité. Et cette hypersensibilité, au fil des années, ça nous procure un inversement de la respiration. En bégue, s'exprime en apnée, c'est-à-dire en fin d'expiration, et non au début d'expiration. Un autre problème sur le point du bégaiement, il y a aussi absence de l'intégration du rythme, donc absence de la mise en syllabe. Donc, en bégue, il peut parler très vite. Est-ce que le bégaiement peut guérir? Bien sûr. Le bégaiement peut guérir, ça, il faut le dire. Il suffit seulement de consulter un spécialiste pour ça, pour vous aider à cette correction du mauvais fonctionnement du mécanisme de la respiration. Et puis, c'est pourquoi, dans les stages que je fais, non seulement je les réapprends à respirer à l'endroit, mais aussi je les aide pour l'intégration de ce rythme qui manque. Quels sont les conseils que vous donnez aux bègues? Comment est-ce qu'ils devraient se conduire? Il faut essayer de vaincre la peur qui est un grand ennemi donc. Et puis il faut aussi consulter un spécialiste pour ça, parce que c'est un problème qui se termine donc. Il faut chercher quelqu'un, donc un spécialiste C'était Eric Batungwanayo, il est psychologue. Et pour clore cette édition de Parlons du Sport, dans la 12e journée du championnat national baptisé Primos League, la formation Aigle Noir de Makamba, qui vient en tête du classement provisoire, a égalisé avec Bujumbura City sur un score paritaire d'un but partout. Une deuxième égalisation que certains amateurs considèrent comme une défaite pour cette équipe d'ici de 10 pays. Et l'équipe de Message Ngozi, qui représentera le Burundi dans la Ligue des champions africains, risque la dernière position de ce classement provisoire. Et en basketball, ce dimanche, l'équipe Dynamo du côté masculin, les Gazelles du côté féminin ont remporté la Coupe des héros nationaux. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci également à François Akimana pour sa parfaite collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Placide Niamongere. Bonne soirée à tous. Au revoir.